Narod chapitre 2. Le destructeur est monté contre toi, garde la forteresse, prends garde aux avenues, fortifie tes reins, ramasse toutes tes forces. Car l'Éternel a abaissé la fierté de Jacob, comme la fierté d'Israël, parce que les videurs les ont vidés, et qu'ils ont ravagé leurs sarments. Le bouclier de ces hommes forts est rendu rouge, ces hommes vaillants sont teints de vermillon, les chariots marcheront avec un feu de torche, au jour qu'il aura rangé ses batailles, et que les sapins branleront. Les chariots courront avec rapidité dans les rues, et s'entre-heurteront dans les places, ils seront, allez voir, comme des flambeaux, et courront comme des éclairs. Il se souviendra de ces hommes vaillants, mais ils seront renversés en chemin, ils se hâteront de venir à ses murailles, et la contre-défense sera toute prête. Les portes des fleuves sont ouvertes, et le palais s'est fondu. Celle qui se tenait debout, la reine, a été emmenée prisonnière, on l'a fait monter, et ses servantes l'ont accompagnée, comme avec une voix de colombe, frappant leur poitrine comme un tambour. Or Ninive, depuis qu'elle a été bâtie, a été comme un vivier d'eau. Mais il s'enfuit. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Mais il n'y a personne qui tourne visage. Pillez l'argent, pillez l'or, car il y a un luxe sans borne, magnifique en tout meuble précieux. Qu'elles soient toutes vidées et revidées, même toutes épuisées, que leurs cœurs se fondent, que leurs genoux se heurtent l'un contre l'autre, que le tourment soit dans les reins de tous, et que leurs visages deviennent noirs, comme un pot qui a été mis sur le feu. Où est le repère des lions, et le viandis des lionceaux, dans lequel se retiraient les lions, et où se tenaient les vieux lions, éléphants des lions, sans qu'aucun les effarouchât? Les lions ravissaient tout ce qu'il fallait pour leur fang, et étranglaient les bêtes pour leurs vieilles lionnes, et ils remplissaient leurs tanières de proie, et leurs repères de rapines. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées, et je brûlerai tes chariots, et ils s'en iront en fumée, et l'épée consumera tes lionceaux, je retrancherai de la terre ta proie, et la voix de tes ambassadeurs ne sera plus entendue.